Dans les années 60, la France était à la pointe de la recherche médicale sur les drogues dites psychédéliques. LSD, psilocybine ou autres drogues à effet hallucinogène que l'on cherchait à appliquer dans la lutte contre certains troubles psychiatriques, qu'il s'agisse de dépression résistante, de schizophrénie ou de problèmes d'addiction. Mais ces recherches ont été brusquement interrompues. Avec le classement de ces produits dans la liste des drogues prohibées, il aura fallu attendre plus de 40 ans pour qu'elle puisse reprendre. Elle commence maintenant tout juste à aboutir avec, dans les prochains mois, la probable mise sur le marché de l'une d'entre elles, mais pas en France, qui a depuis pris un retard considérable en la matière. Psychédélique, une médecine secrète des fonces, c'est le programme halluciné qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Aucun commentaire sur ce titre. Le jour où je vous le signale, tout de même, notre camarade le chien critique sur Twitter a publié le classement des pires titres de la méthode scientifique depuis la première saison, puisque c'est devenu une de nos marques de fabrique, avec en bonus une interview croisée, pas très sérieuse, vous le verrez, mais tout à fait sympathique, de toute l'équipe. On vous y renvoie et on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Voilà, ceci étant dit, on reprend notre sérieux habituel avec mes plates excuses auprès de mes deux invités du jour pour ce titre. Nous allons traiter donc de cette question de la recherche sur les substances psychédéliques, et c'est un secteur de recherche absolument passionnant. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Bonnel. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes neuroscientifique, scientific officer de la Fondation Beckley en Grande-Bretagne, et Alexandre Lehmann. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Vous êtes chercheur en neurosciences cognitives, directeur d'une équipe de recherche sur la plasticité cérébrale à l'université McGill à Montréal au Québec. Mais on commence par un point sur l'actualité scientifique de ces derniers jours avec Natacha Triou et le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour ouvrir ce journal, eh bien, nous allons parler du variant anglais du coronavirus qui pourrait être, Natacha, peut-être plus mortel que le virus d'origine. Et ce variant anglais, baptisé B117, est plus contagieux que le SARS-CoV-2 original. Il s'est propagé rapidement dans une soixantaine de pays et il s'apprête à devenir la variante prédominante. Vendredi soir, Boris Johnson a annoncé, tout en prenant beaucoup de précautions, que ce variant est peut-être associé à un degré plus élevé de létalité. Le Premier ministre britannique s'appuie sur le NERVTAG, le groupe scientifique gouvernemental. Le NERVTAG a examiné trois études britanniques qui ont chacune comparé les taux de mortalité des personnes infectées par B117 avec celles touchées par le SARS-CoV-2 initial. Toutes les études montrent une certaine augmentation de la létalité. Le NERVTAG a conclu qu'une personne infectée par ce variant a 40% plus de chances de mourir. Par exemple, pour les hommes dans la soixantaine avec l'ancien virus, le risque moyen, c'est que 10 personnes sur 1000 meurent d'une infection. Ce chiffre grimpe à 13 ou 14 avec le nouveau variant. Alors néanmoins, les experts britanniques précisent que les preuves d'une létalité plus forte ne sont pas encore solides et que ces analyses préliminaires montrent aussi des limites importantes. Voilà, et on va suivre évidemment toutes les études sur ces différents variants et sur la connaissance que l'on en a au fur et à mesure qu'on les étudie. Vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces recherches, les études, les liens directs vers les études qui sont citées sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. L'Institut Pasteur vient d'annoncer qu'il abandonnait son projet de vaccin contre le coronavirus. Oui, son candidat vaccin sur la base du vaccin contre la rougeole est entré en août en essai clinique de phase 1, c'est-à-dire le premier stade des essais sur l'humain. Les résultats de cet essai ne sont pas satisfaisants. Ce vaccin est beaucoup moins efficace que ceux qui sont déjà sur le marché. Alors, deux autres projets de vaccins sont toujours dans les tiroirs de l'Institut Pasteur, mais ils en sont à des stades très précoces, en phase préclinique. Avec celui de Sanofi qui ne sera pas prêt avant la fin de l'année, dans cette course mondiale au vaccin, la recherche française apparaît très en retard. Selon un rapport paru aujourd'hui par l'ONG German Watch, entre 2000 et 2019, les catastrophes météorologiques ont causé 480 000 morts. Oui, près d'un 2 millions de morts en 20 ans. Dans ce rapport, l'ONG pose cette question: qui souffre le plus des événements météorologiques extrêmes? Réponse: les pays les moins développés. Plus vulnérables, ils sont généralement plus touchés que les pays industrialisés. Pour cet indice mondial de risque climatique, les impacts humains, les décès et les pertes économiques directes ont été analysés. Cyclones, ouragans, canicules, inondations, sur les 11 000 événements extrêmes répertoriés par l'ONG, Les pays les plus touchés sont Porto Rico, la Birmanie et Haïti. Et pour conclure ce journal des bonnes nouvelles, Natacha, selon une étude parue dans Nature Medicine, chaque seconde, notre corps produit 3,8 millions de nouvelles cellules. Oui, des chercheurs israéliens ont calculé le taux de renouvellement cellulaire du corps humain. Ils se sont basés sur une personne de type standard, un homme de 1,70 m pour 70 kg, la vingtaine et en bonne santé. Ils se sont ensuite appuyés sur des mesures directes de la durée de vie des cellules humaines, selon leur type. Puis ils ont calculé la masse cellulaire globale pour chaque type. Le résultat est vertigineux. Toutes les secondes, le corps fabrique plus de 3,8 millions de nouvelles cellules. À la fin de la journée, votre corps aura remplacé environ 330 milliards de cellules. Ce sont à 86% des globules rouges et des globules blancs. 12% sont des cellules épithéliales intestinales et 1,1% de cellules cutanées. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain journal des bonnes nouvelles. Allez, on passe à notre sujet du jour. Le LSD et les champignons hallucinogènes sont liés dans l'imaginaire collectif au mouvement hippie aux années 60, au flower power et au mouvement pacifiste, bref, à une joyeuse bande d'utopistes gentiment défoncés, fermez le banc. Or, c'est oublié un peu vite qu'avant que ces produits ne soient prohibés sévèrement dans les années 60, la recherche sur leurs effets, sur leur emploi thérapeutique était florissante. De nombreuses expériences étaient menées, non seulement pour traiter différentes pathologies psychiatriques, mais aussi pour stimuler la créativité, la productivité intellectuelle de certains chercheurs. Et dans ce domaine, la France a longtemps été en pointe, notamment sur les psilocybines, les molécules extraites de champignons hallucinogènes. Pour l'anecdote, Haroun Taziev prenait par exemple de l'iboga, un extrait de racine d'une plante africaine reformulée en médicament tonique stimulant aux propriétés psychédéliques. Ceci étant dit, la recherche a été mise au point quasi mort donc pendant des dizaines d'années avant de reprendre progressivement et avec un intérêt croissant et des résultats très encourageants, sauf en France, qui accuse aujourd'hui un retard important dans ce secteur. Il n'est d'ailleurs peut-être pas anodin que nos deux invités du jour soient au Canada et en Grande-Bretagne. Retour donc dans le passé, au moment de la classification de ces produits psychédéliques à la fin des années 60. Nous sommes en 1968 dans l'Université radiophonique internationale sur la radiodiffusion française. La question du LSD. Un comité spécial pour traiter cette question, créé par le Conseil économique et social à l'ONU, recommande que le LSD ne soit employé que pour la recherche médicale et sous contrôle sévère du médecin. Il exhorte les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout autre emploi de ce produit condamné par le comité. C'est une mesure peu commune prise envers un produit pharmaceutique et un langage exceptionnellement ferme tenu par un comité officiel international. Mais ce n'est pas l'emploi médical du LSD et des produits similaires, psilocybine, mescaline, etc., qui a rendu nécessaires ces mesures drastiques. En ces 20 dernières années, cet emploi a été de plus en plus restreint. Il s'est réduit au diagnostic et à la thérapeutique de certains troubles nerveux graves, en particulier des névroses. À ces malades qui ne peuvent plus remplir leur rôle dans la société et auxquels on a appliqué d'autres méthodes sans résultat, il est probable que ces produits pourront être encore utiles dans l'avenir. Ce qui a inquiété les autorités de la santé publique, les fonctionnaires de la sécurité sociale, les criminologistes et les familles, c'est que ces produits pharmaceutiques à effet si puissant, particulièrement le LSD, ne sont plus depuis quelques années contrôlés par la loi et sont maintenant employés par des personnes non malades. Au début, on ne savait pas s'il était vraiment nécessaire de s'attaquer à ce problème, mais à mesure que les expériences tragiques se sont multipliées, cette réaction est devenue de plus en plus ferme. Un nombre croissant de pays ont donc suivi les recommandations du comité spécial de l'ONU et ont placé le LSD dans la même catégorie de produits prohibés que la marijuana, le hashish, l'héroïne et quelques autres produits de ce genre, ce qui signifie que la possession, la vente, la distribution et l'emploi de ces produits sont punis par la loi. Voilà, nous sommes donc en 1968, c'est le coup de verrou sur ces produits dits psychédéliques. Une réaction peut-être l'un et l'autre à cette archive qui est intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a mise en perspective entre la recherche et les usages, ou en tout cas la généralisation des usages dits récréatifs, Valérie Bonnel. Oui, je trouve ça intéressant du coup qu'il ait mentionné que le LSD devient interdit, alors que il est aussi mentionné que clairement il y a des effets bénéfiques du point de vue thérapeutique, du point de vue médical, et qu'à l'heure actuelle c'est une drogue qui est classée comme ayant aucun usage médical positif. Donc il y a quand même une quelque chose qui la, clairement la réglementation n'est pas basée sur les études scientifiques, que ce soit celles qui étaient disponibles à l'époque ou que ce soit celles qui se font maintenant. Mmh. Alexandre Lehmann, votre réaction à cette archive, on y entend d'ailleurs de manière assez amusante, en tout cas j'ai pas pu m'empêcher de le souligner, qu'on met sur le même plan que cela inquiète les fonctionnaires de la sécurité sociale, les criminologistes et les familles, ce qui fait une sorte de panier global assez disparate. Oui, bah effectivement, c'est vraiment ce qui a marqué un petit peu le couperet, l'arrêt des recherches dans le domaine. Comme le souligne l'archive, la molécule était encore techniquement disponible en termes de recherche, mais il y a eu beaucoup de barrières au niveau réglementaire, le retrait de tous les financements. À l'époque, les États-Unis avaient donné plus de 130 subventions. Et donc, ça a vraiment été le début de la fin, la traversée du désert pour ce domaine. Et on en sent encore les conséquences maintenant, c'est-à-dire que les chercheurs qui ont un petit peu plus d'expérience voient vraiment comment il y a eu une génération sacrifiée, c'est-à-dire une génération de chercheurs qui n'ont pas pu s'intéresser à ça, soit qu'ils n'ont pas eu les moyens, soit que ça a été trop risqué en termes de carrière. Et donc, on se retrouve maintenant en plein boom à devoir rattraper ce retard et re-analyser les effets de ces substances, surtout en termes médicaux, par rapport aux évidences scientifiques et non pas à des problématiques plutôt politiques ou sociales comme ça a pu être le cas à l'époque. Mmh. Et donc, il est vrai que la France était en pointe dans les années 60 sur ses recherches et notamment sur les psilocybines, Alexandre Lehmann ? Oui, alors effectivement, donc la psilocybine, c'est le principe actif des champignons hallucinogènes. Et c'est Roger Heim au Musée d'Histoire Naturelle qui avait cultivé des champignons ramenés du Mexique à l'époque par une expédition menée par un banquier américain et qui avait ensuite transféré ces spécimens cultivés donc au Muséum d'Histoire Naturelle en Suisse à Albert Hofmann qui lui avait découvert le LSD en 1943 et donc là on se situe quand même quelques années après, qui avait ensuite isolé la molécule, la psilocybine. Donc c'est vraiment, les scientifiques français ont eu un rôle majeur là-dedans, et l'hôpital Sainte-Anne avait fait plusieurs essais thérapeutiques de la psilocybine sur des patients. Mmh. Et comment on explique aujourd'hui, Valérie Bonnel, qu'on va l'entendre, hein, aujourd'hui, effectivement, ces recherches ont repris, on va dire, depuis une vingtaine d'années, elles intéressent de plus en plus de monde, tant dans le milieu académique que dans le milieu, que c'est un certain nombre de laboratoires. Comment vous expliquez-vous aujourd'hui que la France soit toujours, pour le coup, n'ait pas repris le train de ses recherches et soit très très en retard sur ces questions-là? Mais c'est une très bonne question que je n'explique pas vraiment, à vrai dire. C'est vrai que moi je suis partie de France depuis un certain temps, donc dans une certaine mesure depuis 15 ans maintenant, je me sens presque plus anglaise que française. J'ai du mal à comprendre parce que surtout d'un point de vue économique, maintenant il semble évident qu'il y a un énorme intérêt à s'intéresser à ces substances-là. Le monde entier est en train de le comprendre, mais la France, ça reste encore un sujet extrêmement tabou. C'est vrai que voilà, quand je rentre en France et que je parle de mon travail à ma famille ou mes amis, ça reste encore un sujet très très délicat, qui ne l'est plus très très peu, qui ne l'est quasiment plus du tout ici en Angleterre. Mmh. Comment vous l'expliquez, Alexandre Lehmann ? Vous avez des pistes ? Ben, je pense que le système scientifique français est quand même assez, disons, conservateur et très hiérarchique par rapport au système américain notamment, où c'est plus facile pour des nouvelles idées de refaire surface. Pour vous donner un exemple, en 2007, j'avais co-organisé un congrès sur la recherche psychédélique à Paris, et on avait profité de cette occasion, il y avait des membres d'une association qui s'appelle MAPS, qui sont probablement ceux qui vont mettre sur le marché le MDMA, mm-hmm. qui est affilié au psychédélique, mais qui n'est pas un psychédélique en tant que tel. Et on avait contacté différents psychiatres en France pour avoir un des sites. Donc, dans les études cliniques, l'idée, c'est de faire des études dans plusieurs sites. Donc, vous allez avoir un site en Suisse, un site en Espagne. Donc, on voulait aider la création d'un site en France. On a trouvé des psychiatres qui étaient intéressés. On a trouvé possiblement des financements, mais ce qui a bloqué, c'est vraiment au niveau de la direction des hôpitaux, au niveau de la direction des universités. Donc, je pense qu'il y a une certaine résistance à la nouveauté qui est peut-être plus ancrée en France, où le système académique français en général est plus patriarcale dans ce domaine. Et puis il y a certainement aussi quelque chose qui est lié à l'extrême rudesse, pourrait-on dire, de la répression contre les différentes drogues en France, dont on sait qu'elle a une politique répressive très très forte et beaucoup plus forte que beaucoup d'autres pays voisins ou occidentaux. Peut-être un mot, puisque vous l'évoquez, on va y revenir, hein, parce que la MDMA, parce que c'est 3-4 méthylène dioxy N méthylamphétamine, donc si c'est amphétamine, ça doit être là, ça doit être féminin, c'est ça? Ouais, moi je dis là, mais... bon, alors disons là, MDMA, il y a dans les semaines, dans les mois qui viennent, certainement une autorisation de mise sur le marché pour un médicament aux États-Unis à base de ce produit qui n'est donc pas exactement un psychédélique, mais un empathogène. Voilà, alors, donc pour résumer, en gros, bon, ce sera plutôt 2022, voire 2023, notamment parce que les études ont pris du retard avec Covid et autres, mais si on veut rendre une thérapie disponible et qu'il y a un médicament qui est impliqué dans la thérapie, bien il faut une autorisation gouvernementale, il faut démontrer la sûreté, l'efficacité d'un certain médicament, avec l'accompagnement qui va avec, parce qu'encore une fois ici, c'est des substances qui vont faciliter des processus, mais c'est pas juste une pilule qu'on prend et puis on va mieux. Il y a vraiment tout un processus. Et donc, il faut l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament et pour une indication. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est le plus proche de la mise sur le marché actuellement, c'est la psychothérapie assistée à la MDMA pour les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Et donc, c'est ça qui est dans les dossiers de la FDA, qui est l'équivalent, qui est l'autorité de régulation des médicaments aux États-Unis. Et donc ça pourrait arriver sur le marché d'ici 2022 ou peut-être 2023, mais pour ce cas précis-là. Et ça sera effectivement sur ordonnance, mais administré dans un contexte supervisé. Bien sûr, dans le cadre d'une psychothérapie. On va reparler de tout cela et on reparlera principalement dans la deuxième moitié de l'émission, justement, des recherches aujourd'hui très concrètes sur telle molécule appliquée à telle pathologie. Mais on va revenir un peu sur ce que sont ces drogues psychédéliques, essayer de comprendre un peu comment elles fonctionnent et puis voir quelles sont leurs diversités et leurs possibles usages. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18 sur France Culture, nous parlons donc des produits, des substances, des drogues, des médicaments psychédéliques. Nous en parlons avec Valérie Bonnel et Alexandre Lehmann. Peut-être qu'on peut commencer, Valérie Bonnel, par définir exactement de quoi on parle, parce qu'effectivement, drogue psychédélique, bon, d'une part, il y a drogue, alors même si c'est polysémique en anglais, ça l'est pas du tout, ou beaucoup moins en français. Et puis il y a psychédélique qui est très lié à ce que j'expliquais dans l'introduction de cette émission, à savoir cette image collective du produit stupéfiant finalement qu'on utilise de manière récréative, quoi. Ouais, c'est vrai que le terme psychédélique en France est encore extrêmement tabou. J'ai participé à une conférence l'an dernier, en novembre dernier, une conférence de psychiatrie, donc avec des psychiatres français qui utilisaient tous un autre terme que je ne connaissais même pas, mais alors très très compliqué pour éviter de dire psychédélique, car ils disaient tous bon ben voilà, psychédélique c'est quand même très connoté, ça fait pas professionnel, donc. Voilà, nous on parle dans la recherche qu'on est en train de faire quand on parle de LSD et de psilocybine par exemple, on parle de psychédéliques dits classiques qui ont tous en commun le fait qu'ils activent un récepteur à la sérotonine qui est le récepteur 5-HT2A. Et c'est ce récepteur-là qui provoque les phénomènes hallucinogènes. Après, il y a d'autres substances hallucinogènes / psychédéliques qui n'activent pas ce récepteur. Mais quand on parle de psychédéliques dits classiques, voilà, on parle de ce groupe-là. Donc, qui inclut, comme je disais, LSD, psilocybine, il y a aussi le DMT, qui est l'une des substances actives de la plante amazonienne, l'ayahuasca. Voilà. Ce sont les tryptamines, c'est ça? Le DMT? Tout à fait. Ok. Ouais. LSD, psilocybine, mescaline aussi, et tryptamine, voilà, Alexandre. Ils ont tous une... Oui. Valérie Bonnel, allez-y, je vous en prie, pardon. Ben, voilà, ce que je voulais rajouter, c'est qu'ils ont tous en commun le fait qu'ils ressemblent énormément au neurotransmetteur sérotonine. En termes de structure chimique. D'accord. Alexandre Lehmann, justement, sur cette classification, donc ce sont des analogues tous de la sérotonine. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots ce que sont la différence peut-être éventuellement entre ces différentes molécules et quelles sont ce que l'on sait en tout cas de leur fonctionnement sur les neurones et sur le corps humain? Oui, bien sûr, c'est une vaste question. Donc effectivement, bon, déjà en plus des hallucinogènes, enfin des psychédéliques classiques qui ont été mentionnés, il y a donc bon, la MDMA, qu'on appelle un empathogène, qui a des vertus thérapeutiques. Il y a la kétamine, qui est plutôt un anesthésiant, mais qui est employé pour traiter la dépression, et qui lui est déjà disponible et légal dans les contextes hospitaliers. Puis il y a aussi l'ibogaine, qui est extrait d'une racine africaine, qui elle a un potentiel intéressant pour tout ce qui est traitement des addictions, crise de manque. Donc les psychédéliques classiques, ils exercent tous leur effet en interagissant avec les récepteurs sérotoninergiques qui sont présents à tous les niveaux du système nerveux. On en sait très peu en fait sur leur mécanisme d'action parce que, ben, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs décennies de censure en termes de recherche. Et les études qui sont possibles actuellement, la plupart sont faites sur des patients, sur des personnes qu'on cherche à soulager. Donc, des études faites sur ce qu'on appelle des sujets sains, à des buts simplement de comprendre et élucider les mécanismes, il y en a vraiment beaucoup moins qui existent. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont quand même tout en commun d'avoir un effet justement sur le fonctionnement du cerveau. En fait, la sérotonine, c'est utilisé vraiment à beaucoup de niveaux. Et donc, notamment, on voit que, on en parlera peut-être aussi plus tard dans les effets thérapeutiques. Quand on fait des études en imagerie cérébrale, donc que ce soit en regardant l'activité électrique et magnétique du cerveau, eh bien là on voit qu'un certain nombre d'ondes, notamment les ondes alpha, ont tendance à être réduites. Et lorsqu'on regarde des études en imagerie type résonance magnétique et autres, on observe que la connectivité et l'activité de nombreux réseaux est profondément modifiée. Et un réseau particulier qui a une importance par rapport aux vertus thérapeutiques et qui a été mis en évidence assez récemment, dans les 10-15 dernières années, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Donc c'est un réseau. Oui, allez-y. Non, mais allez-y. Alors, non, juste peut-être que parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être qu'on peut prendre les choses les unes après les autres, parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites là. On peut peut-être détailler ça et ensuite vous allez nous expliquer exactement ce que c'est que ce réseau mode par défaut, parce que là aussi c'est passionnant. Mais quand on surveille donc l'activité, alors peut-être. D'abord, je vais commencer par une question. On est là face tout de même à des composés qui sont des composés chimiquement assez distincts, hein, entre le LSD, les psilocybines, la mescaline, les tryptamines. Est-ce qu'on explique bien la raison pour laquelle ces composés distincts ont des effets similaires sur le cerveau? Est-ce qu'on connaît là aussi la chimie exacte qui fait que face à des molécules différentes, on obtient finalement des effets qu'on va voir similaires, même si on peut évidemment les distinguer les uns des autres, globalement similaires, Alexandre Lehmann. Oui, alors ben, bon, déjà effectivement, les différentes molécules se distinguent en termes de la cinétique des effets, leur durée, leur intensité. Mais c'est vrai que globalement, il y a quand même ce qu'on va appeler une phénoménologie, donc l'expérience vécue commune. Et ça, c'est dû au fait qu'ils agissent vraiment sur ce même système sérotoninergique. Après, qu'est-ce qui distingue l'action de l'une par rapport à l'autre? C'est une très bonne question. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a des données là-dessus. Peut-être que Valérie, qui a un background en chimie, je crois, peut nous éclairer un petit peu plus sur le côté vraiment plus pharmaco. Valérie Bonnel, sur la pharmacologie et sur les effets et l'action distincte de ces différentes classes de molécules sur les récepteurs sérotoninergiques? Ouais. Donc la différence des effets, en fait, est liée à leur différence d'affinité pour différents types de récepteurs à sérotonine, mais aussi des récepteurs dopaminergiques et d'autres récepteurs que ces substances actives. Donc, comme ils ont tous des structures un petit peu différentes, c'est un petit peu comme un puzzle en fait. Il y en a certains qui vont vraiment s'imbriquer très très bien dans le récepteur et d'autres un peu moins bien. Et donc ça va jouer sur combien de temps est-ce que le récepteur va être activé. Par exemple, le LSD s'imbrique extrêmement bien dans le récepteur 5-HT2A, donc on a des effets très longs de l'expérience psychédélique. On parle de 8 à 10 heures. La psilocybine un petit peu moins bien, donc on a des effets plus courts. Après, le LSD active aussi des récepteurs dopaminergiques, donc ça lui donne un caractère un petit peu plus un peu plus euphorisant, dynamique que la psilocybine. Donc tout est lié en fait aux différents types de sous-classes de récepteurs. que ces composés actifs. Et alors justement, sur ce que disent les études que l'on peut faire sous électroencéphalogramme, électromagnétogramme ou imagerie ou IRM, vous le disiez tout à l'heure Alexandre Lehmann, vous dites ça modifie les ondes alpha. Alors il faut détailler un peu qu'est-ce que c'est que les ondes alpha, comment ça les modifie et qu'est-ce que ça signifie cette modification des ondes alpha du cerveau. Oui, alors bon, encore une fois, on en est vraiment au balbutiement hein, de la recherche dans le domaine, mais globalement, lorsqu'on fait de l'électroencéphalographie ou de la magnétoencéphalographie, donc on mesure l'activité électrique à la surface du cerveau, et puis on peut voir un certain nombre de bandes de fréquences qui sont traditionnellement associées, par exemple, à la vigilance, ou au sommeil, ou à l'intégration d'informations. Donc, ce qu'on appelle alpha, ça va être des ondes qui vont être autour de 10 Hz environ. Et ces ondes, notamment, elles pourraient avoir un rôle dans la projection des modèles sensorimoteurs, notamment des structures supérieures vers les récepteurs sensoriels. Donc, ce qu'on observe de manière un petit peu plus schématisée, c'est que l'équilibre entre le modèle qu'on se fait du monde et les données qui nous parviennent à propos du monde, eh bien, il est altéré. C'est-à-dire que ces ondes alpha, notamment, faciliteraient le fait de sortir de certaines prédictions, de certains modèles où on anticipe que un arbre doit avoir telle couleur, que telle chose doit avoir telle odeur. Et on va accorder plus de poids aux données qui nous viennent. C'est-à-dire que ça résonne bien, pour donner une métaphore. Albert Hofmann, dans son livre où il raconte un petit peu sa découverte accidentelle du LSD, il explique que dans une de ses premières expériences, il y avait un vase posé chez lui avec des fleurs et qu'il avait l'impression de voir les fleurs comme s'il les voyait pour la première fois. Et donc, c'est cette idée que notre perception, c'est en fait un équilibre dynamique constant entre les nouvelles informations qui nous viennent et notre mémoire et nos projections et nos prédictions de comment l'environnement devrait être. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez un nouveau tableau chez vous, vous l'installez, vous allez le remarquer pendant une semaine, deux semaines, ensuite il fait partie du décor, on n'y fait plus attention. Et donc cette diminution des ondes alpha et également ce qu'on observe en imagerie par résonance magnétique irait dans le sens de la possibilité du système d'être plus porté sur les nouvelles informations plutôt que réagir en mode automatique, si vous voulez. Mais c'est encore très, très schématique. Valérie Bonnel, vous voulez préciser quelque chose sur cette modification des ondes alpha ? Il y a tellement de choses à dire, c'est pas évident. Ce que je pourrais rajouter sur le changement au niveau des enregistrements électroencéphalographiques, c'est que ce qu'on a pu voir qui était très important aussi, c'est pas seulement le changement quantitatif de certaines ondes, c'est aussi l'augmentation de la complexité du signal, qui apparemment serait lié aux états de conscience. Donc plus un état de conscience est entre guillemets élevé, plus cette complexité augmente. Donc par exemple dans un état comateux, il y a très peu de complexité. Dans le sommeil, on augmente un petit peu. En état de veille, ça augmente encore. Et on voit que sous psychédélique, ça augmente encore par rapport à l'état de veille. Donc c'est intéressant. C'est une mesure intéressante, voilà, d'état de conscience. Alexandre Lehmann, vous parliez d'autre chose qui est effectivement très important, c'est cette notion du réseau mode par défaut. Alors peut-être, je ne sais pas, Valérie Bonnel, vous voulez nous expliquer ce que c'est que ce réseau mode par défaut et comment ces substances, ces molécules psychédéliques interfèrent avec ce réseau mode par défaut? Ouais. Donc le réseau du mode par défaut, c'est un réseau qui a été découvert assez récemment, enfin relativement dans les 10 dernières années, on va dire. On y a porté beaucoup d'attention quand on a commencé, plutôt qu'à regarder l'activité cérébrale, on s'est intéressé plus à regarder comment est-ce que les régions du cerveau communiquent les unes avec les autres. Et là, on a pu voir que il y a ce réseau qui est très actif. Donc il y a une région du cortex médial préfrontal et une région pareille dans la zone médiale mais postérieure. Et ces deux régions communiquent entre elles quand le cerveau est au repos. Et il semblerait que ça soit associé à la pensée sur de soi, le penser au présent, au futur, tout ce qui est des dimensions de l'ego en fait. Et ce qui se passe sous psychédélique, c'est que ce réseau se dissocie en quelque sorte. Déjà, son activité diminue, mais aussi la manière dont les régions communiquent au sein de ce réseau diminue aussi. Et c'est intéressant parce qu'on voit un effet similaire, par exemple, quand on a fait des études sur des gens qui méditaient dans un scanner, on voit des résultats similaires. Si je comprends bien... Donc, oui, allez-y, je vous en prie, pardon. Bah donc, si on repense de ce défaut en termes de centre de l'ego un petit peu, ça pourrait expliquer ce phénomène de dissolution de l'ego qui se passe sous psychédélique. Si je comprends bien, Alexandre Lehmann, pour résumer, ce qu'on appelle ce réseau du mode par défaut, c'est un peu ce qui se passe quand on ne fait vraiment rien, c'est-à-dire par exemple vous, auditrice auditeur qui êtes en train d'écouter de la radio, vous portez votre attention à quelque chose, donc votre attention est sollicitée, mais si par exemple vous éteignez la radio et qu'il n'y a pas de musique, c'est le moment où finalement l'esprit vagabonde un peu et où finalement quand ce réseau du mode par défaut commence à dysfonctionner, il peut vite être envahi par des pensées répétitives, obsessionnelles. C'est ce réseau du mode par défaut qui peut être notamment touché lors d'épisodes dépressifs, qui fait que d'un seul coup on commence à ressasser et à avoir des idées noires qui tournent en boucle et qui sont envahissantes. C'est bien cela ? Oui, exactement. Et donc en fait ce qui est assez intéressant et délicat en même temps, c'est que la recherche psychédélique et la recherche sur la conscience, elles évoluent en même temps, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc toute cette notion du réseau mode par défaut qui serait liée à l'ego, puis qui est même reliée clairement par certains chercheurs en Angleterre, notamment au concept freudien de l'ego, c'est des choses qu'on est à peine en train de découvrir. Mais effectivement, ce réseau de mode par défaut serait associé notamment à ce qu'on appelle les pensées introspectives, quand on réfléchit sur nos actions, sur ce qu'on fait, quand on peut se juger, par exemple, on se dit « Ah, voilà, Nicolas, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça ». Et donc, effectivement, dans le cas de la dépression, on voit qu'il y a une suractivation et une hyperconnectivité du réseau par défaut et que ça peut être lié au fait qu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des ruminations, c'est-à-dire des pensées négatives en boucle dont on a du mal à se débarrasser. Ouais. Et alors, il y a quelque chose, c'est amusant, parce que quand on dit que ces recherches sont récentes, elles le sont vraiment, puisque la première IRM d'une prise de LSD, donc d'une analyse de l'activité cérébrale sous LSD, date de 2016, je crois, avril 2016, et les images sont assez stupéfiantes en termes d'activation entre le placebo et le LSD. On voit bien, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre Lehmann, que sous LSD, la connectivité du cerveau est presque complète, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le cerveau est en activité, que tout le cerveau communique, toutes les zones du cerveau communiquent entre elles, ce qui n'est évidemment pas le cas et où on voit sur le placebo des zones qui s'illuminent et qui sont beaucoup, beaucoup plus ciblées alors que le reste du cerveau semble, lui, moins actif. Oui, effectivement, et c'est en termes d'échelle de temps, voilà, 4 années, c'est très, très peu. Il y a un seul groupe qui travaille là-dessus pour le moment. Donc, on a encore vraiment beaucoup, beaucoup de découvertes à faire à ce niveau-là, mais c'est vrai que les effets sur la connectivité sont assez... assez flagrant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a un lien à faire entre l'aspect fondamental et l'aspect thérapeutique. C'est-à-dire qu'on voit que plus la connectivité est altérée, plus l'expérience de dissolution de l'ego, parce qu'il y a des questionnaires maintenant pour mesurer les différentes dimensions de l'expérience psychédélique, bien plus la connectivité est altérée, plus l'expérience va être profonde. Donc c'est vraiment, on peut établir un certain lien de corrélation entre le vécu et les ondes cérébrales. Mais cette connectivité amplifiée, concrètement, Valérie Bonnel, en termes, alors je ne sais pas s'il faut, en termes neuroscientifiques, qu'est-ce que ça veut dire que notre cerveau est plus connecté ? Quelles en sont les conséquences de cette augmentation de la connectivité, Valérie Bonnel ? Alors les conséquences. Et déjà, je pense que, ouais, c'est un petit peu compliqué. Je pense que c'est un état qu'il faut concevoir en termes de plasticité. Donc, c'est un état de beaucoup plus grande flexibilité mentale où des régions qui normalement ne communiquent pas les unes avec les autres vont se mettre à communiquer. Donc, certaines pensées qui pouvaient être réprimées, des mémoires, voilà, mémoires réprimées ou des idées qu'on n'aurait pas pour résoudre un problème, tout d'un coup vont surgir de par ce mélange qui se crée qui n'a pas lieu d'habitude. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment le terme plasticité qui représente bien cet état. Alors, on va continuer à examiner hein, justement ces recherches sur ces différentes molécules dites psychédéliques. Je crois qu'il y avait un autre terme. On parle d'entéogène, c'est ça ? Ça vous va, entéogène, l'un et l'autre ? Non, ça fait c'est trop sérieux. On continue à dire psychédélique. Oui, non, mais en fait, entéogène, c'est ça, c'est que il y a tout un débat par rapport aux terminologies hallucinogènes. Au début, on parlait de substances psychotomimétiques parce que pour les psychiatres des années 50 et 60, ils pensaient que on pouvait vivre ce que vivait une personne qui était psychotique ou qui était schizophrène en prenant ces substances. Donc, elle mimait la psychose. Et puis ensuite, c'est dans les années 50 que le terme psychédélique a été inventé par un psychiatre canadien, d'ailleurs. Il entretenait une correspondance avec Aldous Huxley, l'écrivain, et dans une de ses lettres, il a suggéré psychédélique, qui vient du grec, en fait, ce serait qui manifeste la psyché. Donc c'est vrai que dans la perspective thérapeutique, où finalement ça aide les patients à prendre contact de certaines parties d'eux qui étaient réprimées, où ça leur aide à voir leur dépression sous un nouveau point de vue, le mot psychédélique est intéressant. Après, certains s'en éloignent parce que dès qu'on dit psychédélique, eh bien, certains pensent Woodstock, chemise colorée, etc. Donc, entéogène, c'est un nouveau terme qui a été introduit qui veut dire qui réveille le divin à l'intérieur. Et donc, entéogène, lui, a son propre problème aussi, qui est que certains sont partisans de mêler le spirituel avec les psychédéliques, d'autres veulent vraiment séparer les choses. Mais qui révèle le divin à l'intérieur. Donc il y a un côté révélation, il y a un côté connecter l'humain à quelque chose qui va au-delà de lui. Et beaucoup de participants dans les études médicales rapportent justement ces expériences qu'on va dire transcendantes. Finalement, c'est peut-être le plus proche de l'usage initial de ces substances, puisque même si le monde occidental et médical a découvert le LSD en 43 et puis tout ce qui s'en est suivi, depuis des millénaires, il y a des études anthropologiques assez intéressantes là-dessus, ça a été utilisé de manière médicinale et spirituelle aux quatre coins de la planète. En fait. On va continuer justement alors à discuter plutôt de la partie médicinale pour ce qui nous concerne, on laissera le spirituel à la libre interprétation de nos auditrices et de nos auditeurs, puis on va parler aussi des questions légitimes qui peuvent se poser quant à la neurotoxicité ou à la dépendance, ce sera dans quelques instants. Jamais été submergé. Alma n'a jamais su dévoiler sa pureté, mais la rosée sous le soleil ne s'était jamais faite piétiner. Je laisse aller Alma Bay. Attends le tronçon dansant, dansant. Quand elle se laisse aller, elle attend le tronçon dansant, dansant, dansant. Alma a du mal à retrouver son sourire. Sont-elles jamais envolées? Alma a toujours cru qu'elle avait disparu, mais les étoiles qui nous éclairent ne se sont-elles jamais éloignées? Yeah. Alma Plage de Soleil Bleu à 16h40 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française, comme chaque jour, à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons des molécules psychédéliques ou entéogènes, mais on avait dit qu'on préférait psychédéliques. Nous en parlons avec Valérie Bonnel, qui est neuroscientifique, scientific officer à la fondation Beckley en Grande-Bretagne, et Alexandre Lehmann, qui est chercheur en neurosciences cognitives, directeur d'une équipe de recherche sur la plasticité cérébrale à l'université McGill à Montréal au Québec. Nous parlions de la France et de son retard aujourd'hui dans la recherche sur les molécules psychédéliques. Il y a néanmoins, eh bien encore, heureusement, quelques équipes qui travaillent sur le sujet. Et c'est l'une de ces équipes que vous êtes allé rencontrer. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si les troubles obsessionnels compulsifs pouvaient être traités par un recours aux psilocybines? C'est la question que se pose Luc Mallet, chercheur INSERM, membre de l'équipe neurophysiologie des comportements répétitifs à l'Institut du cerveau et professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil. Luc Mallet nous explique en quoi consistent leurs travaux de recherche préliminaires sur le potentiel recours aux psilocybines dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs chez la souris. Il cherche à comprendre en fait quels sont les mécanismes, mais aussi quelles en sont les attentes. Et il nous explique l'importance de la collaboration internationale dans le cadre de ce type de travaux de recherche, pour l'heure encore assez rare en France. Nous, actuellement, nous menons une recherche sur l'effet de la psilocybine, avec l'arrière-plan clinique, c'est la possibilité thérapeutique d'utiliser des psychédéliques, psilocybine, mais ça pourrait être LSD, qui ont des mécanismes qui, d'un point de vue moléculaire, sont assez proches, bien que quand même assez différents lorsqu'on rentre dans le détail, notamment du fait de la réceptologie, voilà. Mais il y a des données cliniques préliminaires qui semblent être assez encourageantes sur la possibilité de traiter des patients qui ont des troubles obsessionnels compulsifs sévères, par exemple, avec les psychédéliques, et il y a des essais en cours aux États-Unis actuellement sur ce sujet, et il y a déjà eu des case reports. Mais actuellement, on utilise des techniques un peu plus récentes, et notamment, on a commencé dans une collaboration, donc dans l'équipe, avec Eric Burger d'une part, et puis un chercheur, Linda Simler, qui est à Genève. On a injecté des cerveaux de souris, donc des souris avec de la psilocybine, et on étudie, en fait, au moyen de marquages immuno-histochimiques, l'expression de gènes d'activation, qui sont des marqueurs d'activité neuronale, en fait. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme de l'imagerie, si on veut, c'est-à-dire c'est des marqueurs d'activité neuronale dans la souris, et on peut faire des cartes d'activité fonctionnelle, comme ça, où on étudie dans quelle région sont activés ces marqueurs. C'est ce qu'on appelle les marqueurs SIFOS, c'est une technique très robuste en immunohistochimie. Et ensuite, grâce à des techniques notamment qu'on maîtrise à l'ICM, qui sont des techniques de visualisation des circuits sur le cerveau, qui peuvent même être sur un cerveau entier ou sur un demi-cerveau, qui consiste à rendre le cerveau transparent en enlevant les lipides, qui permet de suivre et d'aller voir sur des circuits où sont ces marqueurs d'activation. On va étudier, et c'est en cours actuellement, la conséquence d'injection de psilocybine chez des souris, donc des souris normales, qui sont censées représenter un fonctionnement à peu près normal du cerveau, et des souris modifiées génétiquement qui ont des comportements compulsifs, pour voir également comment s'inscrit à un niveau donc à la fois cellulaire, mais aussi des circuits, les effets de la psilocybine. Et puis une autre étape, c'est une étape qui est comportementale, c'est-à-dire qu'on va aussi étudier le comportement de souris, donc avec et sans psilocybine, sur un certain nombre de comportements de base, mais aussi ces souris modifiées génétiquement qui ont des comportements compulsifs, et voir si chez ces souris, la psilocybine permet de modifier des paramètres, soit des paramètres de compulsion observés naturellement, soit soumettre les souris à des situations comportementales, expérimentales, qui sont en lien avec des processus qui nous semblent intéressants, qu'on a étudié antérieurement d'ailleurs à la fois chez la souris et chez l'homme. Et notamment, ce sont des fonctions cognitives, qui ont lien, par exemple, à la flexibilité ou à l'apprentissage procédural, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on sait que ces notions, soit d'apprentissage procédural, qui peuvent donner lieu justement à un encodage de routines dont on se sert tous les jours, et quand elles sont déréglées, ces routines, par exemple, deviennent envahissantes et sont ce qu'on pourrait décrire par des comportements répétitifs, et bien tous ces processus-là, au niveau de structures profondes du cerveau qu'on appelle des ganglions de la base, elles sont sous une action modulatrice de systèmes, notamment sérotoninergiques, et en lien avec, possiblement, justement, l'action sur ces récepteurs 5-HT2. Et il a déjà été montré que les psychédéliques modifient dans des tâches de reversal learning, donc justement des tâches qui sont liées à cet apprentissage procédural. Donc on a un pôle, si vous voulez, qui se complète un petit peu avec l'idée qu'on a, grâce à ces molécules psychédéliques, des actions sur des systèmes qui sont au cœur de systèmes qui nous intéressent par rapport aux fonctions qu'on voudrait étudier et qui pourraient supporter une action thérapeutique. J'aimerais savoir un petit peu, d'un point de vue strictement vie du labo, est-ce que c'est pas trop compliqué de travailler avec ces drogues psychédéliques d'un point de vue législatif? Est-ce que vous rencontrez pas trop d'obstacles? On peut être en difficulté de se procurer des substances plutôt parce qu'elles sont difficiles à synthétiser. Notamment, il y a une grosse pression sur la psilocybine actuellement parce que la psilocine, qui est le principe actif, elle, est facile à synthétiser mais est instable. Et en fait, synthétiser la psilocybine n'est pas si simple actuellement. Je crois que c'est en train de se résoudre. Mais du coup, il y a une grosse pression et c'est compliqué d'en avoir. Mais sinon, il y a aux doses où l'utiliser chez l'animal, ça pose aucun problème. Et je crois pas, j'ai pas eu connaissance qu'il y avait des difficultés à travailler sur ces substances dans les labos animaux. Il en est tout autrement, évidemment, chez l'homme. Et clairement, pour l'instant, pour ce que j'en sais, la France est assez en retard vis-à-vis de nos collègues outre-Atlantique, mais aussi tout simplement au Royaume-Uni, mais aussi en Europe, en fait, en Suisse ou en Hollande. Donc, c'est quelque chose auquel nous, on va se confronter, puisque notre démarche dans le labo, elle a toujours été translationnelle. Donc, on essaie toujours, bien sûr, si on fait ça, c'est qu'on envisage, évidemment, de passer à la clinique. Alors là, on a des débuts de discussion avec nos collègues de l'université d'Yale, qui mènent un des deux essais pour les patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs avec la psilocybine. Donc on est en contact avec eux et on va probablement développer des collaborations. Donc on va profiter d'un accès, disons, mais à des données cliniques qui sont outre-Atlantique. Et on est en train de déposer des projets qui pourront impliquer, disons que là je ne vais pas entrer en détail, mais qui pourraient impliquer aussi bien la psilocybine que l'LSD. Mais avec, évidemment, ça va passer par une demande d'autorisation aux instances réglementaires en France et on s'attend à quelque chose de relativement difficile. Comme on développe des choses aussi en parallèle avec la Suisse, en Suisse, il y a un peu plus de facilité. Il y a eu une tradition qui a été gardée d'obtenir des exemptions et avec des autorisations, notamment pour le LSD. Et on a plusieurs pistes là actuellement. On est sur un projet pour lequel on est sur la recherche de fonds avec des appels d'offres compétitifs sur l'utilisation notamment du LSD dans des formes d'alcoolisme sévère. Où on a des données cliniques en fait très anciennes qui sont vraiment favorables, mais où avec les méthodologies d'aujourd'hui, méthodologies d'essais cliniques évidemment, mais aussi en parallèle de la recherche préclinique chez des modèles animaux que l'on est en train de développer et qui va être notre façon de faire comme d'habitude. Et voilà donc ces recherches autour des psilocybines, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Valérie Bonnel? Oui, je trouve ça très encourageant de savoir que la recherche psychédélique est en train de reprendre en France avec Luc Mallet qui fait une recherche tout à fait passionnante. Voilà. Non, mais ça peut être ça. On va poursuivre notre discussion. Ouais. Alexandre Lehmann, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, c'est effectivement très intéressant, très prometteur et puis assez nouveau, surtout en France. Un des aspects que le reportage illustre bien, c'est aussi ce lien entre, au niveau cérébral, au niveau cognition, entre des structures plus récentes, qu'on va appeler le cortex, qui gère la réflexion, la décision, et des structures plus profondes, des structures limbiques, des structures émotionnelles. Et donc, on le voit bien dans le modèle dont il parle. Et c'est un des points clés aussi sur ce qu'on voit en termes de thérapeutique, c'est justement venir moduler ou réguler la manière dont notamment le centre de la peur peut agir avec des processus impliqués dans la décision ou dans la pensée. Alors peut-être un mot tout de même, parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui depuis tout à l'heure de ces drogues, de leurs effets positifs. Elles n'ont pas non plus, on l'imagine, été classifiées sur la liste des stupéfiants complètement par hasard. Qu'en est-il de la neurotoxicité de ces produits, des questions de dépendance, des questions de modification au long cours et de troubles du comportement que cela peut apporter? Quelles sont les études et que nous disent les études à ce propos, Alexandre Lehmann? Alors, donc, pour ce qui est ce qu'on appelle les psychédéliques classiques, il ne semble pas avoir de dépendance ou de neurotoxicité, hein, comparément à d'autres drogues comme la cocaïne, les amphétamines ou l'alcool, par exemple. Donc, il y a une étude assez récente publiée dans The Lancet, qui est vraiment un journal au top au niveau international, qui classe un certain nombre de substances par leur nocivité. Et donc ces substances sont parmi les moins nocives en termes d'effets sur le corps, d'effets sur le cerveau. Après, pour ce qui est de la MDMA notamment, il y a une controverse actuellement sur une éventuelle neurotoxicité de la MDMA. Il semblerait que les doses thérapeutiques avec la substance pure, avec la fréquence à laquelle elles sont prises, n'auraient pas de neurotoxicité. Par contre, des études faites sur des usagers chroniques de l'ecstasy, qui est la drogue de rue qui peut contenir du MDMA mais contient aussi d'autres choses, montreraient des effets neurotoxiques. Donc c'est encore pas tout à fait très clair. Ça souligne aussi l'importance justement de bien préciser, comme vous le dites, il y a beaucoup d'effets positifs, il y a un potentiel sur plein de conditions médicales graves, de santé mentale, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas à faire dans n'importe quel contexte, et il faut effectivement faire très très attention à l'accompagnement et puis à la sélection des participants, parce que chez certaines personnes qui ont des antécédents psychotiques notamment, ça peut déclencher des réactions problématiques, mais aussi chez monsieur et madame tout le monde, il peut y avoir des expériences d'angoisse ou de panique ou de paranoïa extrêmement fortes, ce qu'on appelle parfois les bad trips là, dans le langage plus quotidien. Mais l'expérience de recherche montre que ce sont des expériences temporaires et qui peuvent être gérables dans un contexte scientifique. Voilà, mais bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un contexte scientifique et que l'usage scientifique qui en est fait, c'est toujours dans l'accompagnement d'une thérapie où on ne dit pas, tenez, prenez du LSD, rentrez chez vous, ça va aller mieux, mais c'est dans un contexte global d'accompagnement thérapeutique, Alexandre Lehmann. Voilà, tout à fait. Et donc, ce qui fait que, les psychédéliques peuvent perturber et altérer vraiment toutes les dimensions de notre expérience, que ce soit nos perceptions, notre conscience, perception du temps, conscience de soi, mais aussi la notion de sens critique, la notion de risque, la notion de se repérer dans l'espace. Donc, on peut imaginer qu'une personne fasse une mauvaise réaction et, par exemple, très très peur, eh bien, elle pourrait se blesser en essayant de fuir des ennemis invisibles, par exemple. Dans un contexte thérapeutique, il y a un encadrement, les gens sont là, on vérifie toutes les constantes vitales, et donc ces risques sont limités. Mais la plupart des incidents dont on a entendu parler, notamment dans les années 60-70, c'est des personnes qui ont une réaction de peur ou de panique, et dont le comportement face à cette peur et à cette panique a mené à des conséquences très problématiques. Des conduites dangereuses. Voilà. Ouais. Valérie Bonnel, à ce propos, sur ces questions de neurotoxicité, de dépendance, encore une fois, on a tous en tête, alors évidemment, ce sont dans des contextes d'usage dit entre guillemets récréatifs et certainement abusifs, mais on a tous évidemment en tête des gens qui ont été très abîmés par la consommation de ce type de produit. Donc, comment bien discerner ce qui peut relever du domaine thérapeutique, médical, de l'assistance pour l'accompagnement de troubles dépressifs, de troubles de syndrome de stress post-traumatique, de sortie d'addiction, et la consommation récréative dont on voit qu'elle peut faire également aussi des ravages. Oui, c'est deux usages tout à fait différents. Là, on parle d'usage thérapeutique, donc avec l'encadrement, mais qui n'est pas seulement pendant la prise, c'est aussi tout un travail de préparation très très important pour expliquer justement quels sont les effets potentiels pour que le patient soit prêt à gérer ces effets-là. Et puis aussi tout un travail d'intégration pour aider le patient à gérer toutes ces pensées qui ont surgi pendant l'expérience et à les intégrer dans sa vie de tous les jours. Donc c'est tout à fait différent d'un usage récréatif. Après, pour ce qui est de la toxicité, je voulais revenir aussi sur le fait qu'on parle, pour ce qui est de la thérapie assistée aux psychédéliques, d'un usage une ou deux doses, peut-être tous les 6 mois. Donc, s'il y a toxicité, s'il y a une toute petite toxicité de psychédélique, elle serait de toute manière absolument nulle comparée à des usages d'antidépresseurs journaliers. J'ai lu à ce propos d'ailleurs, et c'est intéressant Valérie Bonnel, que pour les molécules qui sont dans le commerce, qui sont prescrites et d'ailleurs dont la France fait une très très haute consommation et fait partie du podium des pays qui en consomment le plus, type diazépam, fluoxétine, que ce sont des molécules dont on ne sait pas exactement en fait comment elles fonctionnent avec le cerveau, si c'est qu'on sait que ça fonctionne, mais on n'en connaît pas bien les mécanismes, c'est vrai ça? Écoutez, on connaît quelques-uns des mécanismes, mais surtout, moi, ce que je questionne, c'est on sait qu'elle fonctionne, pas tant que ça. Au final, il y a un article qui a été publié dans un journal, je crois que c'est dans Lancet ou dans Nature l'année dernière, qui montrait qu'au final, les antidépresseurs ne marchent pas si bien que ça. Et que d'ailleurs, au pire des cas, dans un tiers de la population, donc des patients qui les prennent, ça peut empirer la dépression. Donc au final, c'est encore très très questionnable comme traitement pour la dépression. Mais quand on parle par exemple de l'utilisation du LSD dans la lutte contre les addictions, il y a un auditeur qui nous dit, mais finalement, lutter contre les addictions par une autre molécule addictive, c'est quand même pas la panacée. Sauf qu'aujourd'hui, Alexandre Lehmann, on n'a pas démontré d'addiction aux drogues psychédéliques. Non, effectivement, il n'y a pas de dépendance physiopathologique. Il n'y a pas de syndrome de manque. Il y a même ce qu'on appelle avec les psychédéliques classiques une tolérance assez forte, c'est-à-dire que si vous en prenez de manière peu espacée, très rapidement, ça va plus vous faire d'effet en fait, et vous allez devoir attendre avant de réavoir des effets. Donc c'est vraiment, et encore une fois, il faut bien réaliser que dans le contexte d'une intervention thérapeutique, la question c'est quel est le rapport entre les risques et les bénéfices. Donc aucune thérapie n'est sans risque, mais la question c'est dans le cas d'individus qui souffrent de certaines problématiques, qui ne trouvent pas de soulagement avec les traitements actuels, est-ce que le risque que ça peut leur faire prendre d'avoir ces expériences, parce qu'il y a toujours un risque, mais dans ce cas-là il est assez contrôlé et faible, est-ce que le risque vaut le bénéfice qu'ils vont en avoir? Donc si c'est le cas d'une personne qui a servi son pays, qui revient de la guerre, qui souffre d'un stress post-traumatique tellement incapacitant qu'elle n'est pas capable de fonctionner dans la vie de tous les jours, si elle peut retrouver un petit peu d'autonomie, eh bien ça vaut la peine de prendre un certain risque. Donc c'est toujours cet équilibre. J'aimerais, on arrive à la fin de cette émission, vous poser une question sur une pratique qui se voit, dont on parle, et qui s'appelle le microdosing, c'est-à-dire de prendre des toutes petites doses, sans effet hallucinogène à proprement parler, donc vraiment des doses extrêmement petites, mais de manière régulière, de façon à stimuler l'énergie, la productivité, l'inventivité. Il y a des études là-dessus, ou pour le moment c'est vraiment de la mythologie urbaine, Alexandre Lehmann? En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin. Oui, alors écoutez, ça passe très vite, c'est passionnant avec vous. Donc oui, alors il y a quelques études qui commencent. Il n'y a pas de résultats sur des études en laboratoire de microdosing, mais il y a des études en cours. Et il y a des résultats sur des études qui ont fait des sondages auprès de personnes, centaines de personnes qui utilisaient des microdoses. Et donc concrètement, effectivement, il y a un certain nombre d'effets positifs qui ont été rapportés, mais ça demanderait à être confirmé par des études plus avancées. Et ça peut être intéressant parce que ceux qui ne sont pas candidats à l'expérience psychédélique parce qu'ils ont des facteurs qui leur empêchent de la vivre pourraient bénéficier de cela. Et c'est quelque chose que Albert Hoffman, vers la fin de sa vie, avait mentionné comme une possibilité intéressante. Donc c'est très à la mode, on entend beaucoup parler, mais on n'a pas encore de recul. Et d'ici 2-3 ans, on aura peut-être les premiers résultats. Eh bien écoutez, ce sera l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Valérie Bonnel. Merci Alexandre Lehmann d'être venu nous parler de ces molécules psychédéliques et de leur usage, de la recherche que l'on peut faire aujourd'hui à ce propos. Je vous rappelle, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, que à partir de mercredi, c'est le début du Festival international du film fantastique de Gérard May, entièrement en ligne cette année pour cause, bien évidemment, de Covid. Mais vous pouvez vous y inscrire, voir tous les films, compétition, hors compétition, court métrage. On va vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Et puis vendredi, nous consacrerons une émission spéciale justement au genre du cinéma fantastique français, au renouveau de ce cinéma fantastique avec de nouvelles réalisatrices, de nouveaux réalisateurs au projet tout à fait passionnant. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Étienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Natacha Trioux, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Demain, nous parlerons de matière noire, matière sombre ou masse manquante. Elle est censée représenter un quart, un peu plus, de la masse totale de l'univers, mais on ne la trouve pas. Et si finalement il n'y en avait pas, s'il suffisait de réviser les lois de la physique newtonienne, c'est la théorie monde dont on parlera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.